zéro près de nos lits, abandonnés à leur mystère, sans façon, désertant nos vies, ils ont tous les mêmes manières, les hommes. Ils ont tous le même visage, serein, détendu, rajeuni. Ils ressemblent aux enfants sages, comme parfois ils ont tous le même visage, les hommes, endormis, repués à l'angui, au creux de nos bien-être, ils dorment lourdement, amoureuses attendries. Nous les curieuses, on les guette avec des ruses de souris. Nous les éternelles inquiètes, on les guette, on les guette. Les hommes. Love.